Nous allons dans le nord parce qu'il y a des grèves. Marche ou crève, marche ou crève. Marche ou crève.